Mon cher François Morel, à vous. Oui, selon certains observateurs, la diffusion du film Les Visiteurs sur TF1 dès 21h30 le soir du premier tour serait la preuve du désintérêt des Français vis-à-vis de l'élection présidentielle. C'est faux ! Le film, au contraire, présente une autre manière d'aborder différents thèmes de la campagne présidentielle de façon plus ou moins subliminale. Ainsi, la parole de Fabien Roussel, défendant le bon steak, le bon vin, le bon fromage, sera prolongée à travers le personnage de Godefroy, interprété par Jean Reno, qui s'exclamera « Où sont les poulardes? J'ai faim. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de cerf qu'on ripaille à plein ventre? Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une sèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. » Le point de vue écologiste de Yannick Jadot sera défendu par le même Godefroy. Quelle infamie, où sont passées la nature et les forêts? Tout est laid, l'air est suffocant, ça pue. À une nuance près cependant, puisque le personnage du film aura un regret que ne partage pas Yannick Jadot. Il n'y a plus un nectar sauvage pour chasser. Le débat démocratique sera suggéré par des échanges, certes vifs, mais qui sont le garant d'une parole à la fois libre et argumentée. Il n'est pas compliqué de comprendre à qui Jacouille fait allusion quand il dit « Elle peut transformer une armée en vomi de crapaud. On dit que si elle vous touche, des pustules vous jaillissent du corps, on perd ses cheveux et on pissoie de la boue. Elle peut maudire sur 5 générations. » La question de l'identité sera abordée notamment à travers un échange entre Godefroy et Jacquard. « Fief et menteur, si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre, une sorcière, un bouilleur d'enfants? Mais lâchez-moi, sale nazi !» L'imposition, la question de l'imposition regroupant les impôts, taxes et redevances, cotisations et contributions sociales auxquelles les administrations publiques soumettent les personnes physiques et morales françaises, ne sera pas passée sous silence. Quelle infamie, mon Jacouille! Les vilains ne payent plus les impôts, ni la taille et les corvées, ni les tronlieux et la dîme. Quelle injustice! Le film évoque également les relations hommes-femmes, quand le sentimental Éric Zemmour regrette avec nostalgie l'époque où le jeune chauffeur de bus pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin. Il pourrait, joignant la parole au geste, à l'instar de Jacouille, s'exclamer « Tu es amiché comme une bonne pomme !» Enfin, le point de vue de l'électeur devant une campagne ne sera pas oublié et dira sa perplexité, sa consternation à l'issue d'une campagne désarmante. Merci François Morel, en direct de France Bleu, Loire-Océan. France Inter.